Elle attend un signe, une histoire de maison au creux d'un abîme passant l'horizon. Lui, il l'imagine, il ne répond d'elle que lorsque dans les cimes il se permet cette belle. Les mains sur les reins, leurs bras évitent les sentiments de faim et les yeux en fuite. Ils n'ont pas de tort, ils sont comme les volcans, se croient les plus forts au jeu du vent des amants. Au jeu du vent des amants. Au jeu du vent, jeu du nouvel, vous silence, tu à nous les jeux de vous, nous fut-il un asile, elle à vous. Stop, stop, stop. Étrange baiser, elle s'amuse sur les rails, des caresses enfumées qui peuvent lui faire mal. Il voit une bataille, fait le choix de fuir un possible scandale à l'éloge du pire. Ensemble un moment, profiter de la mer, court laps de temps à toucher la chair. Et sensiblement, il n'aurait pas dû se dire que pendant ces 15 ans, il cachait bien des désirs. Il cachait bien des désirs, bien des désirs. Sublime l'amour, comme les fleurs, avant qu'elles fanent. Il se ment à s'en péter le cœur ailleurs, à s'en faire pleurer des larmes d'erreur. Déroute les penseurs, les femmes qui s'ajoutent, avide ton ardeur, les hommes à contre-doute, à contre-shoot de son corps, à contre-choix de ce sort. Il se cache derrière le fantasme d'un temps. Il se cache derrière le fantasme d'un temps où il cultivait l'amour en se marrant. Oh, oh, oh, oh. Il ramasse les fruits des ratés et des grains. C'est le jeu de celui qui doit voir le moins loin, qui osera avouer qu'il a trop peur.